là, pendant les prises de parole des syndicats, il y a le cortège de tête qui sort des parapluies et qui appelle à la révolution. Et solidaire.